Dernier son maître. Comme elle est heureuse, Faustine. Elle a pris 27 kilos, ne s'en soucie pas, persuadée qu'elle les perdra très vite. La clandestine, on n'a toujours aucune nouvelle de sa carte verte, néglige de porter une ceinture de maintien. Après avoir parcouru des kilomètres dans tous les magasins de seconde main de la région, Faustine y a découvert des pantalons spéciaux en élastane, bien suffisant. Elle marche en canard, rayonne, s'épanouit, déborde d'énergie. Le monde s'agite autour d'elle. Mais qu'y a-t-il de plus important que ce qu'elle est en train de vivre? Fabriquer un être humain. La future maman a parfaitement conscience de la noblesse de sa tâche. Bien à l'abri, son locataire grossit, prend toute la place, suce son pouce, donne des coups de pied, fait des glouglous, tiraille, chatouille parfois. C'est tellement extraordinaire de le sentir, de lui parler, de lui chanter la vie qu'il attend, d'écouter sa musique, de l'aimer. Outre qu'elle ne peut plus dormir sur le ventre, Faustine s'essouffle vite. Elle souffre de bouffées d'angoisse de plus en plus fréquentes à mesure que le terme approche. Est-ce que ça fait mal? Et si je meurs en couche? Et si l'enfant n'est pas viable? Mais rien de rien, Faustine ne regrette rien. Maxime apprécie de la voir aussi épanouie. Il ne cesse de la complimenter, ce qui est rassurant pour la jeune femme, qui craignait une réaction d'indifférence sur le long terme. Lorsque son homme est absent, elle ne s'ennuie pas, loin de là. Elle nidifie, comme on dit en langage courant. Du matin au soir, elle vide et range les placards. Nettoie jusqu'au moindre recoin de l'appartement. Tout y passe, salle de bain, cuisine, chambre. Quand elle a fini avec le ménage, elle se lance dans la cuisine, prépare des conserves, des plats qu'il suffira de dégeler et réchauffer le moment venu. Personne ne viendra l'aider après l'accouchement, pendant cette période des plus intenses dans la vie d'une femme. Sa mère, pour une fois, va lui manquer. Mais si elle s'organise bien, elle s'en sortira. Le reste du temps, elle le passe au bureau avec Colline et les copines, mais aussi avec Marilyn et John, ses amis de Haymarket, ceux qui se préparent à échanger leur maison contre un bateau à l'heure de la retraite. Déjà, ils passent leur week-end sur le bateau en question, et Faustine en profite pour prendre de longs bains de soleil sur le pont. Elle n'a plus le droit d'aller dans les airs, mais sur l'eau, elle peut. Pas question de bouger de là. Jomer, comme on les appelle, sont indécrottablement rivés à leur fauteuil, scotch dans une main et cigarette dans l'autre. Bien que sans enfants eux-mêmes, ils se font une joie de veiller sur la future maman. Son amie Laurie aussi, qui depuis sa mésaventure face au serpent dans la piscine des voisins, l'invite de plus en plus souvent au country club, nantie d'une piscine civilisée, lui. Avant la rentrée universitaire, elles passent beaucoup de temps ensemble. Loris fait un point d'honneur de constater l'évolution du papouze, comme elle l'a baptisé. Faustine lui demande d'être la marraine américaine de l'enfant. Après un temps de réflexion, son amie accepte, gravement. En attendant, la jeune maman l'initie au précepte de la puériculture. On ne sait jamais. Depuis septembre, Maxime, rentré de Cagnes, où il a passé 15 jours de vacances avec Daphné et Anaïs, qu'il a ramené avec lui, a repris les concerts à Washington et Alexandria. Ensemble, ils écument les derniers festivals de jazz de la région, ils retrouvent des amis. Faustine apporte toujours sa contribution, en général des pâtés à la viande et des gâteaux. Les musiciens tout attendris charrient la jeune femme. Mais qui est cette charmante baleine? Depuis le temps, il ne veut pas sortir? Tu le fais exprès de nous faire attendre? Tu es sûre que ce ne sont pas des triplés? Faustine sourit, impassible. Elle a terminé sa préparation à l'accouchement. Le berceau est prêt, la chambre est réservée à la maternité. Elle est désormais, jusqu'à la naissance, entièrement disponible pour accueillir correctement la jeune Anaïs, 14 ans, fille cadette de Maxime. Elle l'installe confortablement, se plie à la tournée des magasins pour son matériel scolaire, lui fait visiter Warrenton et Manassas. Elle présente la jeune fille à toutes ses amies, Colline en tête, et les nanas du bureau ensuite. Anaïs est une jeune personne extravertie, malicieuse et futée, de taille moyenne plus que jolie, avec ses longs cheveux châtains et ses fossettes, elle n'est pas avare de sourire. Le mélange russo-arménien de ses parents lui confère une allure exotique chaleureuse. Elle n'est pas aussi travailleuse que sa sœur, mais n'en a pas besoin non plus. Certains êtres triment pour atteindre un résultat incertain, alors que d'autres y parviennent sans effort, compensant leurs lacunes par des tactiques de séduction. Début octobre, Faustine est à son terme. Bébé peut arriver d'un jour à l'autre. Le plus tôt le mieux, car il se fait pesant. On prévoit une péridurale. Un matin, coup de téléphone. Sous le couvert du plus grand secret, une voix amie prévient que c'est pour ce soir. Faustine a compris. Les filles du bureau lui préparent sa baby shower, fête prénatale en l'honneur de la future mère. Aujourd'hui sera son grand jour. Qu'il est bon de se sentir importante et d'être reconnue dans sa maternitude. Faustine rayonne de contentement. La vaisselle de midi réduite, elle commence à se préparer, revêtant la superbe robe chasuble bleu clair qu'elle a cousue elle-même, dont le tissu neuf est si rigide que dedans elle ressemble vraiment à une montgolfière. Mais quelle belle montgolfière ! Vers 17h, on frappe à sa porte. La secrétaire de Maxime l'informe que son mari la demande. Faustine se laisse conduire. Elle fait semblant de s'étonner quand on lui ouvre la porte de la grande salle au lieu de l'amener au bureau de Maxime. Et là, surprise ! Hurlent en cœur toutes les nanas du bureau, Colline en tête. Le plus difficile, c'est de faire comme si elle ne s'y attendait pas du tout. Personne n'est dupe, mais Faustine espère avoir bien joué sa partition. Une table est couverte de cadeaux, l'autre de nourriture. Un gâteau géant trône au milieu portant la mention « Welcome baby ». On dirait d'un paillasson. L'épais glaçage qui le recouvre est moitié rose, moitié bleu, puisqu'on ne connaît pas encore le sexe du rejeton. Rien qu'à le regarder, Faustine a l'impression de coller. Les secrétaires l'entourent. Chacune veut la toucher, sentir le bébé bouger, le caresser à travers son ventre. Magnanime, la future maman laisse faire, contente que sa robe soit assez épaisse pour amoindrir la gêne de ses attouchements. Quand tout le monde a eu son compte de tripotage, on remplit et distribue les assiettes. Faustine n'a rien mangé à midi, exprès. D'une part, elle tient à honorer celles qui se sont donné tant de peine. D'autre part, elle sait d'expérience que lorsqu'on a faim, on avale n'importe quoi. On passe ensuite au déballage des présents. S'il lui manquait quelque chose, la voilà comblée. Chauffe-biberon, couche étamine, chaussons, barboteuse, livre photo souvenir, aspire-nez, coupe-ongles, brosse, lolette et même une bouée ronde toute simple dont on lui a dit qu'elle comprendra l'utilité plus tard. Tout l'éventail y est, ne manque plus que le héros de la fête qui se manifeste enfin le 29 octobre, avec 15 jours de retard. On dit que c'est souvent le cas pour les garçons. Faustine s'en réjouit. Elle souhaite plus que tout un petit mâle, afin que Maxime, déjà comblé par ses deux filles, lui pardonne son besoin de maternité. Ce matin-là, Faustine ressent une sorte de gêne dans le bas-ventre. Pas de perte spectaculaire des os, pas de douleur insupportable, mais ça l'empêche de se rendormir. Bientôt, toutefois, le doute n'est plus permis. Quelque chose se précise. Faustine est restée en contact téléphonique toute la journée avec Maxime. Sa petite valise est prête, elle a mangé légèrement à midi, n'a pas très faim ce soir. D'ailleurs, on déconseille au futur accouché de trop se remplir l'estomac. Heureusement, nous sommes lundi, Maxime ne joue pas. Quand il rentre du bureau vers 20h, il est tout sourire. Alors, c'est pour ce soir, on dirait. J'ai l'impression, mais je n'ai pas perdu les os, et franchement, je n'ai pas vraiment mal. Tu as téléphoné à l'hôpital? Non, je t'attendais. Alors appelle-les, on décidera ensuite. Faustine appelle, détaille le suivi depuis le matin et raconte le retard de 15 jours. L'infirmière lui dit de venir, on va faire le nécessaire pour déclencher le travail. Voilà, ça y est, enfin le grand moment. En voiture, Simone! Tu as peur? Pas encore, mais je sens que ça vient. Je suis là, tu verras, ça va bien se passer. Comment peux-tu en être si sûre? Parce qu'avec une nana comme toi, ça ne peut que bien se passer. Sur le parking de l'hôpital, ils font une rencontre. Bonjour, madame, monsieur, une cigare? Propose un jeune homme noir en leur tendant un étui argenté. Non, merci, sans façon. C'est en quel honneur? Ma femme vient d'accoucher d'une petite fille. Je suis papa! Je suis papa! C'est merveilleux! La vie est belle! Bravo! Félicitations! Nous, nous y allons, justement. Alors, bonne chance! Que Dieu vous bénisse! À la réception, Faustine est prise en charge immédiatement et conduite à sa chambre. « Vous avez beaucoup de monde ce soir ?» demande-t-elle à l'infirmière qui l'installe. « Oui, c'est bientôt la pleine lune. Nous aussi, on fait le plein. » On dirait que tout le monde est pressé. Dans 2 jours, c'est Halloween et les femmes détestent avoir un pumpkin baby. Un bébé potiron, il paraît que ça porte malheur. On dirait que le vôtre a décidé de naître juste avant. L'infirmière vérifie la dilatation, constate qu'on n'en est qu'à 2 cm. On a le temps. Reposez-vous tant que vous le pouvez. Tout à l'heure, je viendrai vous raser. Faustine se retrouve seule dans sa chambre. Vers 2 heures du matin, les contractions sont espacées, mais régulières. À 4 heures, les choses sérieuses démarrent. Faustine s'exprime. Tant et si bien que l'infirmière réveille l'anesthésiste. Oh, il n'apprécie pas du tout de se faire sortir du lit si tôt. Deux cheveux en bataille, il ne pipe mot et garde un visage ronfrogné. Il fait son travail avec brusquerie. Faustine a énormément de mal à prendre et garder la bonne position pour la péridurale. Elle a entendu dire tellement d'horreur à propos de cette narcose, perte de sensibilité dans les jambes pouvant aller jusqu'à la paralysie à vie, qu'elle craint le pire. Cependant, au moment où la douleur devient insupportable, elle s'autorise lâchement à exploiter les facilités offertes par le nouveau monde. À son grand étonnement, elle souffre moins que prévu quand l'anesthésiste lui insère l'aiguille dans la colonne vertébrale. L'analgésique s'avère très efficace. Faustine sombre rapidement dans un demi-sommeil. Maxime s'éclipse à son tour pour s'allonger dans la salle d'attente. Il a intérêt à reprendre des forces. La matinée s'annonce intense. À 6 heures, l'infirmière revient, vérifie l'installation, les niveaux, la dilatation. Voyant qu'un peu de sang a infiltré le cathéter, elle déclare que cela ne présage rien de bon et décide d'enlever le tout. Les 3 prochaines heures seront les plus longues de la courte vie de Faustine. Enfin, la dilatation est suffisante pour qu'on l'emmène en salle de travail. Mais là encore, il faut attendre. À ce moment-là, bébé semble se calmer et la peine s'atténue. Au point que quand le tout-bip passe, Faustine lui dit qu'elle peut attendre, rien ne presse. Le carabin se penche, regarde et devient tout blanc. « Oh non, petite madame, on ne peut plus attendre. Il faut y aller cette fois, et vite !» En un tour de main, il prépare le nécessaire. Installe Maxime sur une chaise à côté de sa femme et positionne un grand miroir pour qu'elle puisse assister à la naissance en direct. Il se munit de forceps, les place, tire. Quelques hurlements et poussés plus tard, bébé est là. C'est un garçon. Il est tout simplement superbe. 4 kg 100 pour 51 cm. Il a tous ses membres, doigts de main, 2 pieds et une paire de roubignoles à faire pâlir Rocco Siffredi. Le médecin pose l'enfant 5 minutes sur le ventre de sa mère, puis le confie à Maxime, chargé de lui donner son bain. Ensuite, on le placera un moment sous la lampe à ultraviolet. Faustine ne savoure pas encore sa joie. Elle s'étonne que son ventre soit toujours aussi gros. Elle pensait que tout allait immédiatement se remettre en place. Mais surtout, nous en sommes à la partie couture. Il semblerait qu'à cette époque, dans la Grande Amérique, on ne soit pas capable d'endormir les parties sensibles avant de les recoudre. Ou alors le toubib n'a pas réalisé que la péridurale effectuée à 4 heures du matin et retirée à 6 n'a plus aucun effet. Conséquence, suture d'épisiotomie à vif. Les initiés comprendront. Faustine s'exprime si fort, si grossièrement que le médecin blêmit. Il court de plus en plus vite, devient maladroit, lui fait encore plus mal. Impressionné, Maxime n'ose pas intervenir, encore moins prendre la défense de sa femme. Il se contente de lui tenir la main. Quand l'épreuve se termine enfin, on transfère l'accouchée sur un lit et on la fait patienter dans un couloir le temps qu'une chambre se libère. À voir les gens autour d'elle, la scruter avec curiosité, Faustine réalise que la porte de la salle d'accouchement était ouverte et que les personnes présentes, principalement des hommes, ont bien profité du concert. Peu importe, un moment de honte est si vite passé. Après tout, elle ne les connaît pas. Le reste du monde peut bien penser ce qu'il veut. Son tout petit dans les bras, Faustine est fascinée par l'acuité de son regard. « Bonjour, mon Julien. Bienvenue. Tiens, renchérit Maxime. On va voir s'il sait qu'il est français. Comment ça ? » Le père se penche sur son fils, prend son plus bel accent nasillard et jappe un « McDonald's !» bien senti, auquel bébé Julien répond par une sorte de grimace qui signifie « Burk !» indubitablement.